J'ai fait ma valise mille fois, toujours les mêmes affaires. Quelques fringues, trois paires de bas, l'essentiel pour refaire. Un livre, un carnet, un stylo pour noter mes pensées. Appareil photo pour capturer l'éternité. Mais les vrais bagages sont ceux invisibles. Mes bagages pèsent lourd, pas ceux dans ma main. Mes bagages d'amour, de zéro. Mais impossible d'effacer ce qu'on porte sous la peau. Souvenirs douloureux, relations ratées, rêves brisés, vœux qu'on voulait réaliser. Le voyage m'allait, apporter.